Le danger annoncé commence à hauteur du panneau. Réponse A. Commence à 50 mètres. Réponse B. Commence à 150 mètres. Réponse C. S'étend sur 150 mètres. Réponse D.